Eh bien, bonjour, messieurs, mesdames et toutes les autres personnes. Bienvenue pour le podcast Outsider, voilà, qui refait surface après un bon hiatus. Et aujourd'hui, je suis avec Guillaume et Thibaut Rioux. Est-ce que vous Salut. avez envie de vous présenter? Oui, bien sûr. Merci. Merci Thomas déjà de l'invitation. Donc pour me présenter très très rapidement, Thibaut Rioult. Donc moi je suis actuellement chargé de recherche à l'Université libre de Bruxelles où je travaille plus spécifiquement sur le spectacle vivant, sur les performances et notamment sur la magie et l'illusionnisme. Donc ça c'est mon cœur de métier. Et puis, je m'intéresse au JDR, je pense comme beaucoup d'entre nous, depuis très très longtemps, depuis mon enfance. Il y a clairement un lien direct avec l'illusionnisme. Ouais, il y a clairement un lien direct. Et je m'intéresse évidemment aussi à l'illusionnisme depuis mon enfance. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir déployer une approche un petit peu académique, un petit peu théorique, mais jamais décorrélée de la pratique. Ça, je pense que c'est très très important de bien articuler les deux, appliquer au JDR, voilà, pour essayer de donner à cette forme de performance, à cette forme presque bon, d'art, c'est à discuter, mais en tout cas à cette pratique sociale, on va dire, ces lettres de noblesse académique, en gros. Guillaume? Moi, je travaille sur le jeu de rôle depuis plusieurs années aussi. Je joue depuis l'enfance et puis je m'intéresse aux arts de la narration et de l'écriture de manière générale et jeux de société, jeux de rôle. Donc là, ces derniers temps, on a surtout développé des théories pratiques de game design pour donner des outils de création aux gens. Nous, notre idée, c'est de fournir des cadres pour la créativité. Sans se substituer à la créativité des gens. L'idée, c'est de se dire que chacun est apte à créer des choses, mais par contre, qu'il y a des outils qui peuvent favoriser ce processus-là. Ouais, c'est ça, proposer un canevas, à minima, un vocabulaire, ouais, effectivement, puis une boîte à outils Ouais, voilà, pour créer des jeux de il y rôle a des enjeux. si j'ai bien compris, qui soient assez versatiles, quoi. Ouais, il y a des enjeux de sémantique, mais pas seulement. L'idée, c'est de dégager des structures, de montrer comment on peut agir dessus et comment ça fait des nouveaux jeux, quoi, ou des nouvelles manières de jouer. Ouais, tout à fait. Et ben du coup, bon, c'est totalement en lien avec vos projets que vous posez là dans des champs de podcast. Alors, vous avez déjà échangé, il y a eu en lien, vous avez fait une conférence hein, déjà sur votre modèle là, de game design de jeux de rôle là, qui s'appelle Le Perso. Il y a eu deux podcasts donc, avec là, vous mettrez tout ça en lien. Il y a aussi un petit résumé du perso. Enfin, bref, de toute façon, on risque d'en reparler un petit peu pendant le podcast ou au moins des bouts du modèle. Ouais. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet principal de l'émission, crise système de résolution. Alors, en fait, voilà, j'avais envie qu'on parle ensemble. Ce petit ou grand bout du système de résolution, je pense qu'on va voir que c'est un peu fou. Et voilà, grosso modo, comment il faut penser ça, quelle place ça a, en fait, quelles sont peut-être aussi les misconceptions autour de ça. Quels sont les enjeux autour de la création d'un système de résolution et puis aussi qu'est-ce qu'il y a autour, enfin, en quoi le système de résolution, c'est pas la totalité, c'est pas l'alpha et l'oméga de la création de jeu, c'est pas juste d'avoir un bon système de plein de choses autour, et puis peut-être est-ce qu'un jeu peut système de voilà. Et je vais vous donner la parole tout de suite, puisqu'en gros, sur cette vous avez pas mal planché sur cette. Et donc, vous avez fait un plan. Donc, l'idée, c'est que je vous propose de le dérouler et je vais plutôt réagir, quoi, Ok. avec mon point de vue ou vous poser des questions, quoi. Parfait. Ok. Donc, nous, on est heureux en effet d'avoir cette discussion avec toi. L'idée, c'était de mettre un peu les mains dans le moteur, de défricher à la fois les idées forgiennes et puis avoir un débat qui soit théorique mais surtout pratique. Parce qu'on voit que pendant les dernières décennies de jeux de rôle, il y a beaucoup d'innovations en game design, et notamment dans la scène francophone, en particulier dans le milieu du JDR indépendant. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir des jeux plus underground, vous aurez plusieurs sources comme la chaîne Suck My Dice, par exemple, qu'a changé. Maintenant, c'est Marion de Rollis TV. Il y a aussi du jeu de rôle indépendant sur les voix d'Altaride et également à la Cellule avec les podcasts One Shot, notamment. Ici, on va parler de système, donc plus précisément de système de résolution, mais comprendre ce que ça veut dire. montrer qu'il y a plusieurs modèles qui existent et qu'on peut aller un petit peu plus loin que les distinctions qui avaient été faites notamment par la forge de drama, karma et fortune qu'on va détailler là dans la discussion. Et le but de ce podcast, je pense que ça s'adresse plutôt aux game designers. L'idée, c'est de mettre à leur disposition des outils de création, des blocs qui vont être paramétrables pour construire des jeux. Et il ne s'agit pas de réinventer la structure du jeu de rôle, hein, mais c'est surtout de mettre en lumière des composantes essentielles et de montrer en quoi ça participe à la fabrication de jeux. Donc, ce que je te propose, c'est un peu d'aborder déjà les systèmes pour pouvoir resituer le système de résolution parmi les autres qui existent et qui sont à l'œuvre dans une partie de jeu de rôle, et puis après de l'aborder plus en particulier. Donc, on ouais, considère... ouais, le terme système, quoi. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire système, quoi? Oui, tout à fait, surtout que je pense qu'il y a des systèmes qui disent pas vraiment leur nom au-delà du système de résolution. Nous, on définirait le système de résolution comme l'ensemble des moyens qui permettent de déterminer l'issue d'une situation incertaine dans la fiction. C'est-à-dire que c'est l'incertitude d'une action, c'est pas l'incertitude de la joueuse dans les choix qu'elle a à faire, où là, le système de résolution interviendrait pas, mais c'est vraiment trancher en fait l'incertitude, et ça nous paraît important pour pouvoir rétablir le consensus, en fait, que les gens soient... d'accord globalement sur ce qui se passe dans la fiction, qu'il n'y ait pas de divergence majeure pour qu'ils continuent à pouvoir la développer ensemble. Alors ça, c'est ce que vous appelez le système tout court ou c'est le système de résolution que vous êtes en train de définir? Pour nous, c'est le système de résolution, c'est-à-dire que le système de résolution, comme son nom l'indique, il résout et il résout de l'incertitude. Alors des fois, on peut dire incertitude ou conflit, mais globalement, ça va être une incertitude sur le déroulé d'une action, d'une situation. Je pense qu'on Ouais, vas-y, ouais. Dis-nous. J'ai un petit addendum à proposer là-dessus. Moi, j'ai l'impression, si tu veux, que système de résolution, c'est un terme qu'on entend en fait pas mal dans le jeu de rôle trad. Je ne sais pas d'où il vient. J'avais un peu regardé. La Forge n'utilise pas le terme système de résolution. Il parle de résolution, de technique de résolution. Ouais. Et en fait, si tu discutes avec des tradis, le système de résolution. Oui, c'est vrai que c'est pour trancher l'incertitude d'une action. Et grosso modo, il y a vraiment cette notion de, pour reprendre des termes de Frédéric Sintès, ma volonté contre le monde. Mmh. C'est-à-dire, le personnage veut faire quelque chose et le monde résiste, quoi. Alors mmh. Après, le monde, ça peut être les autres personnages, hein, puisque bon, il peut y avoir des conflits PVP, quoi, hein, grosso modo. Mais ça veut dire que déjà, ça va exclure... Il y a un certain nombre d'incertitudes qui ne sont pas décidées par le système de résolution, en tout cas, par ce qu'on appelle, on va dire... de façon consensuelle, système de résolution. Je vais prendre un exemple, c'est le conflit interne. C'est-à-dire que mon personnage hésite entre déserter et puis. Enfin, comment s'engager comme soldat ou déserter. Eh bien, en fait, dans beaucoup de jeux, ça, c'est tu vas le décider au pur roleplay, en fait. On va pas faire intervenir, hein, tu vas pas faire, tu vas, c'est très très rare qu'on te propose de jeter un dé contre toi-même pour des décisions du personnage. Je dirais que les exceptions, on peut avoir éventuellement des systèmes de santé mentale ou des systèmes de valeurs, c'est-à-dire, ah bah tiens, tu veux faire quelque chose qui est contre tes valeurs, eh ben il faut que tu fasses un jet... Pour réussir à enfreindre tes valeurs, quoi, hein, par exemple. Dans certains jeux, ça existe quand même. Donc. Dans certains jeux, il y a une forme de système de résolution pour les conflits internes, mais c'est quand même plutôt rare. Déjà, c'est quelque chose que je voulais souligner. Et il y a pas, c'est pas non plus quelque chose qui sert à décider une incertitude concernant le contenu de la fiction. C'est-à-dire que, par exemple, on rentre dans une auberge, et notre MJ hésite pour savoir si l'auberge est remplie de PNJ sympathiques ou de PNJ, alors comment dire, hostiles. Eh bien, en fait, il est possible qu'on utilise des sous-systèmes. Hein, tu as pas mal de jeux, mais de fans notamment, où tu as une sorte de table aléatoire, tu sais, de l'attitude des PNJ. Ouais. On est en fait sur une détermination du contenu de la fiction, quoi. Ça, on va pas appeler ça un système de résolution. Enfin, c'est pas. Je trouve que ça rentre pas dans la définition consensuelle. Si on discute en convention, tu vois, avec des rôlistes, personne, ça viendra pas à l'idée des gens, si tu veux, de parler de. Ah, je vais jeter sur la table d'hostilité des PNJ. C'est pas un système de résolution, c'est autre chose. Ouais, je pense qu'il y a plein, notamment tout ce qui est table aléatoire, c'est des outils génératifs plutôt qui vont créer en effet des entités. Ouais. Vraiment juste de la génération procédurale, entre guillemets. Voilà, tout ce qui est génération procédurale de fiction va pas passer par le système de résolution. Ouais, ouais, on est assez d'accord. Ouais. La manière dont on le définit, quand on dit déterminer l'issue d'une situation incertaine, en fait, l'idée c'est de résorber les dissensus. Qui peut y avoir entre les joueurs, entre les joueuses et le MJ, entre la proposition d'un joueur et la nature du monde, etc. etc. C'est dans ce sens-là. C'est plus l'idée de dissensus. C'est pas sur, effectivement, le personnage qui se poserait des questions et qui serait incertain sur son avenir. Hein. C'est vraiment l'idée de dissensus plus que ça. Ouais, mais en fait, il y a des formes de dissensus. J'essaie de prendre un exemple. On arrive sur. On joue à Star Wars et on est à Coruscant, d'accord? Et le MJ commence à décrire des extraterrestres qui jouent des saxophones. Et il y a une joueuse qui va dire: Non, mais tu déconnes, on n'est pas sur Tatooine, sur Coruscant, c'est quand même plus classe, on n'a pas des extraterrestres de seconde zone qui jouent du jazz, du free jazz, quoi. Voilà, là en fait grosso modo on a une discussion un peu sur le canon esthétique ou sur la fiction. Ouais. Eh bien on peut en discuter. Il y a généralement des éléments de règle qui permettent de déterminer. En jeu de rôle traditionnel, généralement c'est le MJ a toujours raison. Enfin voilà, oui dans mon Coruscant, il y a des extraterrestres qui jouent du free jazz et puis qu'est-ce que tu vas faire quoi? C'est moi le MJ, si t'es pas content, ce sera chute de Faucon Millennium sur toi. Mais c'est pas un système de résolution, quoi. C'est pour ça que nous, on affine après, au fur et à mesure, là, on peut en parler tout de suite, mais l'idée, c'était d'affiner un peu le système de résolution par un système d'intégration qui, en fait, prend en compte le cadre, qui prend en compte le cadre de l'univers, le cadre fixé par les joueuses au niveau social, ce qu'on a envie de voir émerger à la partie, etc. L'idée, je pense que ça va être l'enjeu de la discussion, c'est de voir comment on peut faire évoluer le système de résolution tel qu'il est souvent restreint dans les bases à quelque chose qui prend en compte l'univers et considérer que les lois de l'univers constituent des règles pour cadrer les propositions des joueuses. Ouais, alors, du coup, j'ai une question. Je vous propose, j'espère que j'explose pas votre plan, mais avant qu'on parle du système d'intégration, je pense que pour l'amener en douceur, ça peut être bien justement, là vous êtes en train d'évoquer un peu les étages de la fusée en gros, hein. Il y a des étages de la fusée et le système de résolution c'est juste un étage, ou c'est juste un bout de l'oignon. Ce serait qu'on parle vite fait du système de ce qu'on appelle communément ou au sens de la forge, ce qu'on appelle le système tout court. Ouais. Qu'est-ce que c'est et d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des étages supérieurs au système au sens de la forge? Moi, je pense qu'il y en a. Est-ce que vous avez envie de parler là de cette notion de système tout court et de la polysémie ou des confusions qu'il y a autour de ce terme? Bah écoute, oui, si tu veux, on peut refaire un point un peu sur la vision de la forge et puis après proposer d'autres visions du jeu, ouais, pas de souci. La première chose, je pense, qu'il faut signaler si on aborde les théories de la forge, c'est qu'il y a une polysémie des termes. Les termes sont pas toujours très clairs, finalement, et le sens peut varier d'un article à l'autre, et notamment celui de système. Parce que dans l'article System Does Matter, ça va être finalement un système de résolution qui est évoqué au sens de drama, fortune et karma. Système de résolution. Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment la volonté des PJ contre le monde, hein, on est d'accord dans cet article-là, en fait. Hein. C'est des principes, en effet, de résolution qui traduisent tout à fait ça. Et donc, le système de résolution, il va être désigné par système ou tantôt par technique. Donc, c'est pas, en fait, on voit que le glossaire de la forge, il n'est pas encore très fixé à ce moment-là. Ouais. Et ce qu'on peut en dire, c'est que il n'y a pas non plus de corrélation très explicite entre les systèmes de résolution et les démarches créatives, enfin creative agenda, tel que des fois on l'entend, parce que ça va être la notion de système does matter, ça va être surtout un système de résolution qui peut avoir recours à différentes strates de drama, fortune ou karma. Un système de résolution spécifique, lui, va être, enfin, devrait, dans la logique forgienne, devrait être au service d'une démarche créative. Et l'idée, c'est de défendre une démarche créative qui soit commune à tous pour pas que le jeu soit dysfonctionnel. Pour moi, c'est surtout ça l'enjeu de la forge dans System Does Matter. Et on va voir émerger le terme de système qui va définir plutôt un système social, un système de jeu qui décrit un dispositif du jeu au cours de la partie. Et ça va alors, avoir... ouais, ouais. On discutera du terme dispositif parce que je pense que je l'emploie pour dire un truc un peu plus vaste que système. Mais c'est peut-être mon acceptation perso. Mais bon, je te coupe, mais on reparlera dispositif. Ouais, puis je pense qu'il faudra de toute façon raffiner un petit peu les strates sociales, ludiques, etc. pour vraiment de quoi on parle. Et l'idée de système. Au sens de système de jeu plutôt, enfin on peut appeler ça temporairement système de jeu, c'est un petit peu ce qui va régler les rôles de chacun, et donc notamment ça va permettre de déterminer s'il y a un MJ ou pas, ça va permettre de déterminer aussi un peu les liens d'autorité, ça rejoint ensuite les questions de partage de la narration, sur qui a le droit de dire quoi, etc. Donc il y a quand même deux choses assez distinctes qui peuvent être confuses dans les différents articles de la Forge. Ouais, alors si ça ne vous dérange pas que je vous coupe, j'aimerais bien vous lire en fait la définition de système que la Forge donne dans le Provisional Glossary, donc qui est leur glossaire, qui est censé, qui est quand même plutôt une production tardive de la Forge, et qui est censé, on va dire, mettre des définitions un peu définitives. Et donc là, ils vont dire système. Alors, je scroll. Mais grosso modo, ils définissent ça comme l'ensemble des moyens par lesquels les joueurs se mettent d'accord pour créer l'espace imaginaire partagé. Il y a une liste de ce que ça inclut. Alors, j'y arrive, désolé, je scroll, je suis presque. Alors, pendant le jeu, ça c'est important, hein, c'est limité au moment du jeu, ça inclut la création de personnages, la résolution d'événements imaginaires, alors ça, on pourrait imaginer que c'est le système de résolution, les procédures de récompense, donc les PEX, et plus, hein, donc voilà, et grosso modo, ça permet de... Ouais, ça permet un peu d'éditer, en fait, le contenu, l'espace, ce qu'ils appellent l'espace imaginaire partagé, quoi. Nous, on est assez d'accord sur cette vision-là. C'est simplement qu'on pense qu'ajouter de la granularité plutôt qu'avoir un système un peu fourre-tout qui fasse l'ensemble de ce qui se passe dans une partie, je pense qu'il y a un vrai enjeu à essayer de distinguer soit des sous-systèmes, si on considère qu'il y a un système global, soit des systèmes distincts, peu importe. Mais l'idée de distinguer différents blocs, différents processus, on pense que ça donne plus de latitude en termes de game design, ça permet de savoir de quoi on parle quand on décrit, mais surtout en termes de donner de l'agentivité au game designer et puis aux joueuses après. Donc, là, vous êtes en train de parler de système de résolution unifié versus sous-système, quoi, entre guillemets, quoi. En fait, ce qui est assez marquant, c'est que dans la définition même qu'il donne du système, il note bien que ça agit sur des choses quand même très différentes et qui vont pas forcément se passer au même moment de la partie. Typiquement, les gains d'XP, etc. Bien sûr, ça dépend des jeux. Il y en a où c'est des acquisitions en cours de partie, mais il y a beaucoup de jeux où c'est un peu séparé après le scénario, etc. et plus en méta-jeu. Ouais. Donc, en fait, ça, leur notion de système, elle est, moi, je pense qu'elle est assez juste dans le sens où ils mettent bien en évidence qu'il y a plein de choses qui sont réglées et qui font partie d'un système, mais que ça décrit quand même des strates assez, assez distinctes. Et que le fait de bien les identifier, ça permet de recombiner différemment et de faire des jeux différents, de faire plus de créativité. Quoi. Alors juste, désolé, c'est vraiment la phase pinaillage, mais il y a vraiment un impensé, par contre, de leur définition de système. C'est que, je rappelle, c'est mis les moyens par lesquels on établit les événements imaginaires durant le jeu. Et donc, ça veut dire que ça élimine déjà que, entre guillemets, ça ne parle pas, en fait, de, Bah, tu vois, tu parles de social, mais ça parle pas de régulation autre que. Tu vois, si tu prends le truc de. Si tu prends dans Dream Ask You, où c'est mis voilà, les joueuses dans des chaises, des fauteuils confortables, par exemple, eh ben, ça fait pas partie du système au sens forgé, hein, cette petite mention, puisque ça ne concerne pas du tout la fiction, en fait. Et bon, on peut imaginer tout un tas d'autres arbitrages entre joueuses qui ne concernent pas du tout la fiction et qui ne vont pas être intégrés dans le système au sens forgé stricto sensu. Et par ailleurs, il y a ce truc de les moyens. En fait, du coup, ça ne dit pas si le système, c'est les règles. Est-ce que c'est vous, dans votre préparation, vous avez parlé de game system et de player system, je crois? Enfin, bon, grosso modo, on ne sait pas si ça parle des règles ou vous savez, le jeu comme il est joué, en fait. En fait, il y a les rules as written, les règles comme elles sont écrites, et les rules as played, c'est-à-dire les règles telles que jouées, le jeu tel que joué, quoi. Puisque généralement, veut pas, on prend quand même beaucoup de décisions qui sont relativement externes juste aux règles du jeu, quoi. On en avait parlé un peu en préparation du podcast, mais en effet, après, je pense Ouais. qu'il faut. Après, on peut avoir différents niveaux d'analyse selon l'usage qu'on en a. Si on est game designer, on va plutôt se baser sur les règles écrites, etc. Et l'idée, c'est que les joueurs aient le moins d'efforts possible à faire pour adapter le jeu. Mais si on se place, par Ouais. contre, en tant que MJ ou joueuse, en effet, la plupart du temps, il peut y avoir soit des règles qui sont modifiées, soit des règles qui passent à l'as. Et je pense qu'il faut entendre par règle ce qui est appliqué ou en tout cas applicable pendant la partie, que ce soit en effet les méthodes de résolution, mais que ce soit, ça peut être, on va dire, le contrat tacite ou explicite qui peut être passé entre certaines joueuses, etc. Et c'est ça qu'on va observer quand on est MJ ou joueuse. Après, je dis sans doute la palissade, mais quand tu game design, c'est super intéressant de s'intéresser aux pratiques des joueuses, ce que font les joueuses en fait contre le système ou système, enfin tu vois, ou au-dessus du système quoi, pour le compléter, parce que tu vas te demander si ces choses qui sont habituellement pas desservies par les règles et qui sont prises en charge par les joueuses, est-ce qu'on va les favoriser, les faciliter en fait en rajoutant des règles qui vont couvrir des domaines qui jusqu'à présent n'étaient pas couverts, ou est-ce qu'au contraire on va les écraser, c'est-à-dire que proposer des règles qui interdisent certaines pratiques de joueuses. Je vais donner un tout petit exemple vite fait pour remettre sur le système de résolution du coup. Par exemple, dans Inflorenza, le système de résolution, il permet de gérer ce qui d'habitude, enfin ce qui est très rarement géré, c'est le fameux truc de conflit interne. Le personnage hésite à prendre une décision et tout. Et en fait, tu peux utiliser le système de résolution pour faire ça. Et l'idée, c'est de réintégrer en fait des choses qui sont d'habitude plutôt de l'ordre du libre arbitre de la joueuse, en fait, ou de réintégrer en fait dans le système de résolution, dans les règles, pour dire les choses plus gentiment. Ouais, tout à fait. Et puis, ce que tu disais aussi à propos des game designers qui voient comment les joueuses vont traiter leur jeu, tu peux avoir. Ça rejoint aussi les questions de vie de fertile où il y a des choses que tu ne règles pas explicitement, mais tu t'attends à ce que ça émerge. Ou parfois, ce que défend Romaric Briand sur Sens, c'est d'amener les joueuses à se rebeller contre le système, contre Sens. Donc en effet, on peut en jouer de ça. On peut jouer de soit d'attente comportementale de certaines joueuses, soit au contraire de jouer un peu sur de la psychologie inversée et s'attendre à ce que les joueuses aillent affronter ce qu'on leur propose. Oui, d'ailleurs, désolé, c'est un peu comment en fait, le système de résolution, bon, je suis un peu un hors-sujet, mais je pense qu'il est important, puis après je vais l'oublier. Donc, le système de résolution, il peut avoir un rôle de codage et de facilitation de la fiction, en fait, mais il peut aussi avoir un rôle, au contraire, de cryptage. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple vous avez parlé de Dogs in the Vineyard. En fait, Dogs in the Vineyard, si je te fais une version de Dogs in the Vineyard sans système de résolution, voilà comment je la formulerai. Vous arrivez dans un village, les gens commettent des péchés, il faut les taper pour qu'ils arrêtent. Si vous ne les tapez pas, il y a des démons qui vont apparaître. Bah, en fait, si je fais ça, il n'y a pas de système de résolution, et ben, y a plein de gens qui ne vont pas vouloir jouer en fait, à Dogs in the Vineyard. Ils vont dire, bah, c'est quoi ce jeu et tout, c'est horrible. Mais si je mets un... Mais en fait, dans Dungeons & Dragons, il y a un système de résolution. Et d'ailleurs, un système de résolution plutôt complexe. Et ça a deux rôles, en fait. Comme il y a un système de résolution, tu te dis que tu as une chance, en fait, de battre cette espèce de logique, de cercle vicieux, quoi, de la violence. Peut-être que voilà, en faisant les bons jets de dés, tu pourras désescalader par... par la enfin, que tu pourras régler le problème par la discussion sans faire couler le sang ou que des démons arriveront pas et tout. Après, je pense que les stats du jeu, elles sont clairement faites pour que ça ne marche pas. Et que grosso modo, on arrive quand même à la situation que je vous ai dépeint au départ. Et il y a aussi beaucoup de jeux, je pense par exemple au Roll and Keep là dans L5R, ou système de résolution qui sont. Ben, tu vois, par rapport à un jet de pourcentage, un roll and keep avec des dés qui explosent, tu peux demander des augmentations, tout ça, machin. Alors, c'est un rôle certes tactique, mais c'est aussi un rôle de. Ça crée un effet un peu de. Comment dire, de brouillard de guerre, d'incertitude vraiment palpable sur le résultat du dé, quoi. Difficile de prévoir le résultat que tu vas faire sur un roll and keep que sur un dé 100, en fait. Oui, et puis Et. ça peut avoir des vertus justement d'immersion parce que peut-être que grâce à ça, les joueuses vont jouer plutôt au niveau de leur perso que on va dire en surplomb, en cherchant à optimiser les probas. Donc ça, en effet, ça peut avoir une vertu dans ce sens-là. Ouais, voilà, ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais insister sur ce double sens codage-cryptage. Et je voulais remonter un tout dernier point sur les niveaux du. Comment? Les niveaux de la fusée, là. Donc, on a vu quel système. Le système au sens de la forge, c'est pas très très clair si c'est juste les règles ou si c'est les règles plus la façon dont les joueuses se mettent d'accord. Et il y a, alors, si on voulait trancher, le mieux c'est de parler en fait de game system pour pas juste parler des règles, là ou la base de jeu de rôle tout simplement. Et on pourrait parler de, je crois, c'est pas abusé de parler de player system pour ou de tout simplement de rules as played pour parler de la façon dont les joueuses jouent quoi. Avec Oui. des erreurs sur les règles, des réappropriations, et puis de toute façon beaucoup de choses qui ne sont pas du tout couvertes par les règles, qu'il faut traiter autrement en fait. Ben c'est ce que mettait beaucoup en avant Christophe Guillaume Buclet dans ses conférences, justement à propos du système forgien, où il disait c'est la partie telle qu'elle est jouée ici et maintenant. Il insistait beaucoup là-dessus et je pense que c'est Ouais, du coup, il exactement parle plutôt de player system, quoi. Ouais. ça. Je Ouais. pense. Et en fait, pour moi, l'étage supérieur de la fusée, c'est le dispositif. Alors, dispositif, j'ai employé le terme tel qu'il est défini par Virgile, pas l'auteur antique. Hein. où en fait, il définit le dispositif, grosso modo, comme les conditions d'existence de la partie. Et du coup, ça va notamment recouvrir les conditions matérielles, qui peuvent être de. On joue dans une cave, on joue en ligne, machin est arrivé en retard, on mange telle chose avant, pendant, enfin, les gens sont amis, sont pas amis, se connaissent pas, et grosso modo, presque, voilà, l'environnement, le microcosme, l'environnement, un petit peu, voilà, l'umwelt des joueurs, quoi, qui va recouvrir beaucoup de conditions matérielles. Et dans ces conditions matérielles, il y a une partie qui est peu contrôlable. Voilà, eh bien, on joue chez ma mère parce qu'on n'a pas d'autre endroit pour jouer. On est obligé d'arrêter à 23h parce que sinon, ma mère va taper du pied, quoi. Mais on peut aussi, c'est aussi des choses, ce qu'on appelle le dispositif, qu'on peut tout à fait essayer de contrôler, voire même de réintégrer dans une base de jeu de rôle. Donc là, je reprends bien sûr l'exemple, hein, de Dream Askew, qui est bien connu, où Avery Elder explique dans les règles qu'il faut que la personne qui facilite Dream Askew se procure des fauteuils confortables pour accueillir les autres joueurs, quoi. Mais sur ce point-là, ce qui est intéressant, Dream Askew notamment, c'est que quelque part, alors c'est difficile à prouver, mais quelque part, je pense que quand le game designer écrit cette règle ou dans on va dire cette préconisation de maîtrise, pour elle, il y a un enjeu sur, enfin, il va y avoir un impact indirect aussi de ça sur la production du contenu. C'est-à-dire, c'est pas, je suis pas sûr que ce soit 100% gratuit. Et ça me ramène à discuter très rapidement la notion de dispositif au sens où elle a émergé, notamment dans la philosophie contemporaine. Chez Michel Foucault, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même lui, on va dire, c'est un des grands penseurs du dispositif dans les années 70-80. Et quand il pose ce concept-là, l'idée, c'est bien de l'articuler autour de trois dimensions. La première, c'est de dire un dispositif, c'est un réseau d'éléments hétérogènes. Donc il y a vraiment cette idée de, enfin c'est plutôt un ensemble d'éléments hétérogènes dans on va dire la première dimension, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses distinctes qui peuvent être intégrées dans un réseau. Le deuxième élément, c'est de considérer que ces éléments sont articulés entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des liens et qui vont avoir et qui sont interdépendants. Et le troisième point, si je te donnerai la ref si tu veux l'ajouter, dans cet article de Foucault où il décrit ça, où en fait, le dernier point, c'est que ces éléments, finalement, donc ils sont hétérogènes, ils fonctionnent ensemble, et ils sont articulés autour d'un, on va dire, d'un but. Alors, but, c'est peut-être un peu trop fort, mais au moins, ils vont le produire un effet, quoi. Et je trouve que c'est intéressant de se dire finalement, là-dessus, Foucault, il peut peut-être nous aider à avoir une sorte de définition un peu simple du système avec ces trois dimensions-là, parce que finalement, c'est un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire même s'il y a il y a un certain nombre d'éléments qui sont un peu des données, ce que tu disais, des données qui sont, enfin, où le game designer a pas du tout prise dessus, c'est-à-dire effectivement si on joue chez sa mère ou pas, etc., etc. Mais disons que d'une manière générale, réfléchir le dispositif performatif ou le dispositif de la partie de jeu de rôle comme un dispositif foucaldien, c'est intéressant parce que ça permet tout d'un coup d'avoir énormément d'éléments quelque part à disposition, de réfléchir sur comment les articuler ensemble de manière à produire un effet. Et c'est aussi, ça rejoint aussi tous les enjeux sur vide fertile ou autre, quoi, qui sont toujours un peu dans cette logique-là. Et ça nous permet aussi de sortir d'une vision qui serait peut-être trop restrictive sur le dispositif, où on se dirait, bah, le dispositif, c'est uniquement les règles, la manière de lancer les dés, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision globale, quoi. Et d'un point de vue de l'analyse, je pense que c'est assez intéressant de se repositionner sur, bah, finalement, c'est quoi un dispositif? Je suis obligé là du coup de mentionner une théoricienne du GN qui parle de Foucault justement. C'est Lille Clairence. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du prénom. Si c'est toujours le prénom qu'il faut utiliser. Bon, vous me pardonnerez si je me trompe. Mais grosso modo, Lille Clairence va employer le terme de Michel Foucault, qui est le terme d'hétérotopie pour désigner en fait un GN. Mais vous allez voir que ça peut être extrapolé au jeu de rôle. En fait, si j'ai bien compris, Michel Foucault, par exemple, comme hétérotopie, va donner comme exemple le lit des parents, où les enfants, ils vont se mettre à sauter dessus. Et en fait, le lit des parents, ça devient un lieu où les règles sociales sont chamboulées, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, quand les enfants sont sur les lits des parents, le chahut est autorisé. Les règles sociales changent, en fait. Et Lille Clairence explique que le temps et le lieu d'un GN, c'est aussi une hétérotopie dans le sens où les règles sociales changent. Oui. Ça va un petit peu rejoindre la notion de cercle magique aussi. Et ce qui est intéressant, du coup, ça reboucle sur un autre débat sur l'hétérotopie qui est intéressant, parce qu'en fait, il y a un côté un petit peu manipulatoire dans le concept d'hétérotopie, en tout cas tel qu'il est présenté par Lille, parce que c'est en fait, moi, game designer, je vais installer une hétérotopie et comme ça, je vais vous nudger en fait, vous les joueurs, je vais vous nudger sur une expérience précise avec des règles sociales précises. Et en fait, je remettrai en biblio, il y a un chercheur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais grosso modo, il a étudié notamment l'hétérotopie de Disneyland, qui est en fait qui est construit comme voilà un monde imaginaire avec ses propres règles, mais qui a un but. Le but de Disneyland, c'est que les gens dépensent beaucoup de choses dans les boutiques, en gros. Et le parcours de Disneyland, il est conçu pour ça. Et en fait, il explique en observant les gens qui sont à Disney que les personnes qui fréquentent le parc ont ce qu'il appelle une agentivité du regard. Ça veut dire que, en fait, les gens se réapproprient l'hétérotopie et ils enfreignent les règles. Alors, ce qui est bizarre dans l'agentivité du regard, c'est-à-dire que peut-être qu'en termes de comportement, ils font ce que Disneyland attend d'eux, mais en termes d'expérience et de ressenti, ils se réapproprient quelque chose que Disneyland n'a pas vraiment voulu. Et notamment, je pense qu'il y a un peu un phénomène, notamment de cécité aux bannières qui se met en place, c'est-à-dire que ils vont surtout retenir de l'expérience de Disneyland, de la féerie et tout, le voyage imaginaire justement. Et en fait, ils vont un peu, comment? Ils vont un peu ignorer le fait qu'ils sont en train de passer dans l'intérieur d'une boutique, quoi, ou que l'endroit où ils passent est une boutique en fait. Ils font abstraction de ça, ils choisissent de ne pas regarder ça en fait. Et bah, cette agentivité du regard, c'est quelque chose aussi qu'on a en jeu de rôle et même dans les systèmes les plus dirigistes. Et ben, c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever en fait. Et que je pense pas que ce stade de le faire d'ailleurs, mais. Bon, excusez-moi, je fais des énormes digressions. Non, pas tout. Ce que tu disais là tout à l'heure aussi, on pourrait parler, là tu parlais d'hétérotopie, on pourrait parler aussi de l'approche de Duflo avec les légalités. En gros, il définit le jeu comme l'invention d'une liberté par et dans une légalité. Son idée, c'est qu'en fait, il va y avoir des libertés qui sont propres au jeu, qui n'ont de sens que dans le jeu. Donc je pense que ça rejoint un peu aussi l'idée de système et de dispositif qui va créer des libertés dans le jeu. Bah, si vous voulez, je vais peut-être vous laisser dérouler la suite de votre plan là, après cette énorme digression. Écoute, on peut revenir si tu veux aux distinctions des systèmes, essayer de refaire un petit point un peu formel là-dessus, puisqu'on a vu juste Ouais, comme ouais. la forge, on peut essayer d'affiner un petit peu la vision forgienne, notamment sur. Est-ce que tu veux parler maintenant du DFK ou ça vient plus tard dans Pense qu'on ton. peut y venir après, et après montrer comment Ok, peut très bien. enrichir les systèmes de résolution. Mais là, l'idée, ce serait, puisqu'on a un peu fait éclater le cadre là, avec ce qui pouvait rentrer dans le système chez les forgiens, le système de résolution tel qu'il est entendu de manière un peu habituelle dans le jeu de rôle classique, ça peut valoir le coup un peu d'affiner la grille de lecture. Je pense qu'on peut distinguer ce que tu disais, l'environnement, ou en tout cas le contexte de la partie qui va. Exister en fait en dehors du jeu, qu'il y ait jeu ou pas, il va y avoir un environnement. Quand les gens se rassemblent pour une activité quelle qu'elle soit, indépendamment de l'activité, il va y avoir un environnement. Et celui-là, il peut être influencé, comme tu disais, par les règles. Et donc à ce moment-là, on rentre dans une forme de contrat ludique, c'est-à-dire on respecte les règles telles qu'elles sont émises par la base du jeu, telles qu'elles peuvent être affinées par les joueuses, mais elles vont exister par le jeu. Mais par contre, il y a un environnement qui est indépendant de l'activité. Je pense que c'est important parce que c'est un peu une réponse à des théories forgiennes, notamment à l'article sur le Big Model fait par PHP, qui donc en fait intègre des éléments dans le contrat, ce qu'ils appellent le contrat social, comme les aboiements du chien et le fait qu'il puisse y avoir une attirance d'un joueur pour une joueuse. Et je pense que ça, c'est des éléments qui ne sont pas en fait prescrits par le jeu. Et donc, pour moi, elles ne font pas partie d'un contrat à proprement parler, ni des règles du jeu. Et je pense qu'il y a des éléments qui sont dans l'environnement. Ensuite, il y a un contexte social, en effet, et qui, lui, peut être contractualisé dans certaines dimensions. Par exemple, qui accueille les participants chez lui, qui va payer les pizzas, etc. Et ça, en effet, ça peut être un contrat social. Et après, pour moi, il y a une autre strate qui est vraiment le contrat ludique. Et qui va concerner le jeu en tant que tel, l'activité en tant que tel. Ça va être notamment les outils de sécurité émotionnelle, type les lignes et les voiles, ce qu'on va aborder. Ça va être les éléments de l'univers qu'on va reconnaître comme valides pour la partie, les règles plus mécaniques qu'on va reconnaître comme valides, etc. Et je pense que distinguer un petit peu les strates, ça permet de montrer aussi sur quoi on peut avoir de la gentilité, sur un peu. De quoi on parle plutôt que d'avoir une notion de contrat social qui puisse être un peu fourre-tout et qui n'est pas très vraie, qu'en tout cas qui n'est pas évocatrice dans le sens où il y a des choses qui ne sont pas contractualisées. Donc voilà, c'était un peu, ça je pense c'est important pour affiner un peu la vision forgienne. Et donc notamment le contrat ludique, pour moi ça va régler différents éléments du dispositif de jeu. Et en fait ça va surajouter des cadres et des filtres qui vont influencer sur les propositions qui vont être formulées par les joueuses. Nous, on entend proposition comme un énoncé, quel qu'il soit, verbal ou autre, qui vise à faire évoluer la fiction. Et donc, ce contrat ludique, il va cadrer les propositions, il va chercher à appuyer des démarches créatives, les creative agenda, et il peut y avoir, bien sûr, des collisions entre un niveau social et un niveau ludique. Par exemple, il va y avoir des répercussions de l'un sur l'autre. S'il y a des, ça arrive parfois, certaines de nos tables, où il y a, notamment sur les parties d'initiation, où il y a un couple qui vient à la table, Et il va y avoir en fait un peu une clause de non-agressivité entre les personnages qui peut émerger. C'est pas systématique, mais c'est des choses qui sont pas rares à observer. Et en effet, il y a des éléments donc d'un aspect social qui peuvent découler dans le ludique, mais qui sont pas forcément prescrites par le jeu. Donc je pense qu'il y a des strates comme ça à distinguer. Et ensuite, le degré de cohérence de la fiction, c'est-à-dire jusqu'où on va chercher à être réaliste ou fidèle à l'univers, ou même le ton qu'on va adopter, le genre, ces éléments-là, pour moi, font partie aussi du contrat ludique, puisqu'ils sont strictement liés au jeu, ils n'existent pas en dehors du jeu. Si on faisait une autre activité, ça n'aurait pas lieu d'être. Et ça, c'est des effets très cadrants sur les propositions. Donc voilà un peu Alors pour. moi, j'ai une question pour toi, là, pour ce concept de contrat ludique. Est-ce que tu es toujours en train de parler, en fait, de la façon dont on joue et dans la façon dont on négocie le jeu, ou est-ce qu'on est déjà dans les règles, tu vois, les règles telles qu'écrites, en fait? Je pense à des jeux qui formalisent le contrat social tels que Innommable. Dans Innommable, il y a un truc qui s'appelle le pacte. C'est un truc que tu dois lire. Tu dois lire au joueur au début du jeu, et qui dit bah, notamment le pacte, c'est jouer en Play Toulouse. C'est un jeu d'horreur. Vous allez jouer pour voir comment votre personnage va mal finir, quoi. Bah, pour moi, ça fait partie du contrat ludique, mais le contrat ludique, il peut être nourri à la fois par la base, on va dire, les règles telles qu'elles sont écrites, c'est la source première, mais le contrat ludique, il peut être nourri par les joueuses elles-mêmes en fonction de leurs expériences de jeu passées, de ce qu'elles ont envie de jouer dans la soirée. Mais pour moi, ce contrat ludique, il est vraiment essentiel dans la mesure où il est vraiment intrinsèquement lié à l'activité de jeu. Et ce qui me chagrine des fois dans les définitions forgiennes, c'est vraiment d'intégrer des choses qui soient contingentes au jeu, qui certes peuvent avoir une influence, hein. Le fait qu'on joue le matin ou le soir, qu'il y ait plus ou moins de luminosité, le lieu où on joue, bien sûr, ça peut avoir une influence sur les propositions. Mais ce serait notre activité, ces éléments-là seraient aussi présents. Sauf si, en effet, il y a. Alors on parlera pas de John Wick qui monte le radiateur pour mettre la pression à ses PJ. Ouais, ça c'est. En vrai, je l'ai relu récemment et il y a quand même des choses qui sont pas inintéressantes chez John Wick, mais on pourra y revenir. Mais en effet, si par exemple une base de jeu a dit il faudra jouer au jeu dans un cimetière, par exemple, pour créer un ton, et ben en effet ça va être directement intégré dans le contrat ludique. Donc je pense que ça va, il faut que ce soit lié à l'activité. Si ça émane de la base de jeu, pour moi, c'est directement dans le contrat ludique. Mais ce contrat ludique peut être nourri par d'autres sources, notamment les attentes des joueuses, le ton qu'elles veulent donner à la partie. Si je comprends bien, là, on est en train de tourner au système, autour du système de résolution, de montrer c'est quoi les sous-systèmes ou les parasystèmes qui entourent les systèmes de résolution. Mais Je suis bien la démarche? parce que pour moi, en fait, ça a un impact très fort parce que ça va avoir un effet de cadre. En fait, pour moi, enfin pour nous d'ailleurs, la proposition en tant qu'énoncé qui cherche à faire évoluer la fiction, elle a un amont et un aval. En fait, en amont, on va avoir tous les cadres qui vont être posés par l'univers, par le ton voulu par les joueuses, par les limites en termes de sécurité émotionnelle. Et donc, en fait, on a un cadre dans lequel on va produire des propositions qui vont être valides. S'il y a écart au cadre, le cadre pourra être rappelé pour invalider une proposition. Ça va être notamment l'usage de la X-Card, par exemple, ou le rappel à l'univers. Si on est dans un univers MedFan et il y a un sabre laser, et bien on va dire non, ce n'est pas l'univers. Et donc, en fait, la proposition, elle sera invalidée, elle sera rejetée. Et donc, pour nous, cet effet d'intégration, ça va être vraiment le système d'intégration qui est composé à la fois de ces cadres, de ce cadrage en amont. Et le système de résolution, en fait, il intervient en aval. Où en gros la proposition elle est valide, mais on ne sait pas si elle va être intégrée en tant que telle parce qu'il y a une incertitude sur son déroulé en termes de cohérence fictionnelle ou en termes de rapport aux règles. Donc c'est pour ça que ça nous semble important en fait de parler des systèmes. C'est pas tant pour dire ce que n'est pas le système de résolution, mais en fait de à quel moment il intervient dans la chaîne, de quoi il va dépendre. Ouais, alors là tu viens de parler d'un gros mot, là t'as dit système d'intégration, c'est la deuxième fois qu'on en parle sans le définir. Donc ça c'est un concept de votre cru. Et alors je vais essayer de deviner ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression là, au vu de la discussion, que c'est grosso modo la partie du système qui a pour objectif de produire de la fiction. de se mettre d'accord sur ce qui arrive dans la fiction, quoi. Pour nous, sur la en général, quoi. Pour nous, il n'est pas nécessairement productif, mais en effet, c'est ce qui va permettre d'acter une proposition de joueuse comme intégrée à la fiction. Enfin, comme son nom l'indique, nous, on est assez, on met pas des noms propres, on est assez transparent sur les concepts, enfin, on essaye. Mais l'idée, c'est de dire, oui, comment ça intègre? Et en fait, pour nous, il y a des effets de filtre. C'est de dire, est-ce que la proposition, elle est valide au vu de ce que les joueuses souhaitent? Est-ce que ça respecte leur sensibilité émotionnelle? Ça me paraît important. Est-ce que ça respecte la cohérence de l'univers? Est-ce que ça respecte la cohérence de ce qui s'est passé précédemment? Par exemple, si t'as été jeté en prison sans aucun équipement, ça paraît un peu absurde que tu dises, bah, short mon épée. Et donc ça, c'est des choses qui seraient pas déconnantes en tant que telles dans l'univers, mais qui vont être incohérentes avec le déroulé fictionnel. En fait, l'idée, c'est un peu de mettre à jour ce qui se passe dans la tête des joueurs à une table quand il y a une proposition qui est faite. Il y a une proposition qui émerge et on pense que en fait, elle va être examinée, bien sûr inconsciemment, mais elle va être examinée selon ses différents filtres et ses différents cadres sur lesquels on s'est mis d'accord. Est-ce que tu peux me permettre d'hazarder un exemple ? Vas-y, et je comme ça, tu me diras si je suis dans le vrai. Un exemple où que j'ai compris du système d'intégration, il va permettre d'examiner une proposition sans passer du tout par le système de résolution, en l'occurrence. Enfin, le système de résolution, j'ai bien compris qu'il en faisait partie, mais qu'il y a d'autres choses autour, quoi. Ouais. C'est, on joue à Star Wars, et grosso modo, soit on l'a dit, ou soit c'est tacite, tout le monde s'en doute, on torture pas les Ewoks. Voilà, on dirait ça, c'est un peu un contrat ludique, si j'ai bien compris. Ouais. On torture pas les Ewoks. Et en fait, on joue, on rencontre des Ewoks, et là, il y a quelqu'un qui dit « Bon, bah, je torture l'Ewok ». En fait, tout le monde rigole, et on passe à autre chose, parce qu'on sait très bien que c'est hors contrat ludique. Donc, en fait, on a fait la proposition, mais personne, à aucun moment, ne prend cette proposition au sérieux. Ouais. Parce que, en fait, tout le monde sait que c'est hors contrat, quoi. Ouais, on pense qu'il y a un peu un ordre, en fait, d'examen, parce qu'il n'y a pas besoin de soumettre l'Ewok à un jet de résistance, en fait, comme le voudrait, on va dire, un aspect très mécanique des règles, parce que, en fait, la proposition, elle est déjà invalidée avant. En fait, on pense qu'il y a plusieurs filtres à passer, quoi. Ouais, c'est presque le système de résolution, c'est peut-être presque. J'imagine qu'il y a des contre-exemples, de toute façon, puisqu'on parlera peut-être à un moment de jeux qui n'ont pas de système de résolution, mais il y a pas mal de fois où le système de résolution, c'est vraiment le truc en bout de chaîne. J'ai donné un exemple. Il y a pas mal de, jeux, sinon tous, qui disent, en fait, en tout cas, qu'on peut facilement comprendre, si c'est évident ou si c'est intéressant que le personnage réussisse son action, on jette pas les dés, en fait. On va pas utiliser le système de résolution, quoi. Mais en fait, voilà, je vais à la bibliothèque d'Arkham pour demander le journal du matin. Je fais pas de jet de bibliothèque, en fait, parce que je pense qu'il y a une autre partie. Il y a une autre partie du jeu, je ne saurais pas dire laquelle, mais qui prend en charge. Qui prend en charge ça, mais il y a des fois, s'ils commencent à dire « je vais en bibliothèque et j'essaie de voir s'ils ont le Necronomicon », là, on va peut-être faire un jet de résolution, soit de bibliothèque, soit de persuasion, pour convaincre le vieux professeur d'ouvrir la salle interdite. Et c'est un peu le truc, j'ai l'impression, qui vient en bout de chaîne quand les autres possibilités ont été épuisées, quoi. Et c'est d'ailleurs pour nous une nécessité des bases de jeu de dire quand il faut jeter les dés. Parce que tu vois, par exemple, on avait playtesté il y a quelques temps Heartrunner de Valentin T. Et la préconisation pour jeter les dés, elle est très claire. C'est si l'action, elle est à la fois incertaine et dangereuse. Et donc, en fait, il te donne deux critères pour savoir si tu as recours ou pas au système. Sinon, en fait, l'action, elle est validée d'emblée. Et donc, tu peux avoir en fait des méta-règles qui te permettent déjà de dire si tu enclenches ou pas une mécanique de résolution. Il y a un truc qui m'intéresse à ce sujet-là, c'est tangent à ce que vous dites, c'est aussi la fréquence d'emploi du système de résolution. Il y a très peu de... C'est très très rare. Enfin, j'ai peu d'exemples de jeux en tête où on va t'expliquer combien de fois il faut lancer les dés dans la partie, en fait, par exemple. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes, notamment parce que du coup, pour gérer une attrition, tu vois... Tu sais pas combien de temps ou combien de fois il faut jeter les dés pour que l'attrition commence à se faire sentir, par exemple. Oui, et par contre, on peut trouver à l'effet inverse des mécanismes de régulation pour éviter des excès de lancer. Il y a par exemple un exemple qui est vraiment noir sur blanc dans Burning Wheel, où ils te disent, en fait, Le but, c'est pas de multiplier les jets de dés à l'infini, en fait, pour progresser dans une situation. Et donc, tu trouves des fois quand même certains jeux où il y a un peu un conseil de prudence, mais qui n'est pas toujours formalisé très clairement. Mais tu peux quand même trouver des gens qui se Ouais. préoccupent de ça, en tout cas. Il y a un hack de Burning Wheel qui fait ça à l'extrême, c'est Légende de la Garde. Enfin, en tout cas, les scénarios des Légendes de la Garde, parce que j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement. Ben, en fait, les Légendes de la Garde n'expliquent pas trop comment faire un scénario. C'est bizarre. Donc, c'est clairement un jeu où, en fait, si tu joues les règles telles qu'écrites, une fois que tu as joué les scénarios officiels, c'est fini. Tu peux plus jouer. Parce qu'ils t'expliquent pas comment faire des scénarios. C'est presque comme si c'était un peu interdit. Bon, bref. Je m'égare. Mais en fait, un scénario, en tout cas les scénarios du livre de base, des Légendes de la Garde, eh bien, c'est vraiment préciser quels sont les jets de compétences qu'il faut faire, quand il faut les faire, et en fait, tu n'en fais ni plus ni moins que les jets qui sont demandés, en fait. C'est extrêmement précis, en fait, quand est-ce qu'on jette les dés, pourquoi, c'est quasiment, c'est très très difficile. De justifier un lancer de dés en dehors de ceux qui sont préconisés par le scénario. À l'inverse, tu vas trouver des jeux comme Abstract Dungeon où tu as un pool de dés et quand tu l'as épuisé, c'est fini en fait. Ok. Ouais, donc ça me permet de parler d'une notion de la forge un petit peu oubliée que j'aime bien, qui s'appelle la notion de point de contact, qu'on va trouver donc dans le glossaire provisoire. Et ils définissent les points de contact par. Le nombre de fois où on doit solliciter les règles par unité de fiction produite. Et grosso modo, un système voilà, forgien, tu vois, ce qui s'appelle un système pervis, c'est-à-dire un système plutôt vertueux au sens forgien du terme, il doit avoir un nombre de points de contact élevé. C'est-à-dire que il faut qu'on sollicite quand même assez souvent les règles pour produire de la fiction. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une usine à gaz, hein, ça veut juste dire que si on veut avoir une fiction ou une expérience de jeu qui soit conforme eh bien, à la, on va dire, au propos de l'auteur, tu vois, ben, il faut que le jeu eh bien, en fait, ait des règles assez incontournables qu'on est obligé d'utiliser en fait, souvent. Et ça va s'opposer à des pratiques un peu traditionnelles du style Ah, la partie était super parce qu'on a jeté qu'une fois les dés dans la partie. Ça, c'est un truc que tu peux entendre en convention et tout. Ça, bah, évidemment, un forgien, ça risque de lui faire un petit peu mal à son petit cœur. voilà, cette notion de point de contact, elle est, je pense, assez rarement abordée dans les jeux. Et ça peut être une notion intéressante à considérer, de savoir est-ce qu'on veut de nombreux points de contact ou au contraire plutôt un contact très faible entre les joueurs et les règles quand il s'agit en tout cas d'établir de la fiction. Écoute, j'ai pas d'avis particulier sur le sujet parce que je pense qu'on peut. Je suis pas certain que ce soit déterminant, on va dire, sur ce qui va émerger de la partie. Moi, je pense que c'est plutôt des questions d'ergonomie, les points de contact, et ce qui est important aussi, hein. Mais c'est vrai que je fais pas de corrélation directe entre le nombre de points de contact et ce qui émerge parce que tu peux avoir des règles qui sont très cadrantes et très orientées vers une démarche créative, sans pour autant qu'elle soit complexe au point de nécessiter un recours aux règles. Après, tu peux aussi imaginer des systèmes, ce qui se fait assez peu en jeu de rôle, mais qui se fait beaucoup en jeu de société, c'est des systèmes d'aide de jeu, ou des systèmes où tu aurais, par exemple, si on parle de PBTA avec des moves, bah, tu pourras avoir des systèmes de pictos, des trucs récapitulatifs, ou même sur de systèmes, tu pourras avoir, on va dire, des rappels et qui diminuerait potentiellement les points de contact, ou en tout cas qui les allégerait. Après, je ne sais pas si toi, tu fais un lien entre justement point de contact et émergence d'un certain type de partie. Alors, je tout tout tout tout. Alors, je vais relire hein, en traduisant à la volée en fait ce qu'ils définissent par point de contact. Ils disent que c'est les étapes de consultation des règles. Alors, c'est pas forcément lancer les dés. Hein. Je veux dire quand tu regardes, quand tu dis je te touche la main, veux-tu dans un Firebrands, bah c'est une consultation des règles. Hein. Que ce soit les règles dans le texte ou internement, alors je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais bon, par unité donc de contenu imaginaire établi. Bon, voilà, c'est un peu ce que j'ai reformulé. Et ils disent que ce n'est pas la même chose que le long débat entre les systèmes aux règles lourdes et les systèmes aux règles légères. Puisque tu peux avoir un système léger, en fait, qui est à un nombre de points de contact élevé. Voilà, si tu peux avoir un système où c'est tout le temps jeter 2D, mais si on les jette souvent, entre guillemets, c'est un système à grand point de contact. Et alors, je vais vite regarder sur Pervy, et c'est là où je crois que j'ai vu que eux, ils aiment bien qu'il y ait beaucoup de points de contact. Voilà, donc un gameplay Pervy, c'est un gameplay dans lequel les fameuses démarches créatives, elles reposent sur des techniques et des éphémères très spécifiques, qui sont souvent appliquées plusieurs fois par événements imaginaires pendant le jeu. C'est-à-dire que grosso modo, quand on fait une scène, il faut qu'on utilise plusieurs fois les règles. C'est, voilà, donc il parle que ça, c'est ouais, grosso modo, il faut un grand nombre de points de contact. Après, honnêtement, je pense que vous avez raison de dire qu'on peut en débattre, que cette position de dire pour que le propos du jeu soit lourdement soutenu, il faut qu'on consulte souvent les règles. Ça a probablement mal vieilli, en fait, hein, comme idée. Mais notamment, je trouve ça curieux dans la vision forgienne où finalement l'univers et ce qui permet de produire la fiction va être souvent inclus dans ce qu'ils appellent les règles. Tu es toujours en point de contact avec le cadre, tu es toujours en point de contact avec l'univers, avec le Ouais, conditionnement. je vais prendre un exemple, peut-être, c'est Apocalypse World. Dans Apocalypse World, ce qu'on fait sans lancer les dés a très peu de valeur en fait en termes de fiction. C'est très difficile de produire de la fiction signifiante sans lancer les dés dans Apocalypse World. Et je crois qu'il le résume par. Bon, j'espère, je sens qu'il y a tous les fans d'Apocalypse World qui vont tomber dessus et dire que je dis n'importe quoi. Mais je crois qu'il le résume par quand on le dit, on le fait. Quand on le fait, on lance les dés, quoi. Et en tout cas, en tant que joueur d'Apocalypse World, c'est aussi quand même une autre PBTA. C'est aussi une impression que j'ai eue, c'est-à-dire que tant qu'on ne lançait pas les dés, il se passait pas grand-chose de signifiant. L'histoire de notre personnage n'avançait pas des masses tant qu'on arrive, voilà, tant qu'il n'y avait pas une situation qui impliquait de lancer les dés, quoi. Alors, à nouveau, consultation des règles, ça peut être autre chose. Ça peut être les principes, enfin, des principes de comportement dans un livret. C'est aussi la consultation de règles, hein, c'est pas forcément lancer les dés. Hein. C'est-à-dire que il faut, ouais, c'est du coup, là, on parle les fameux espaces de liberté. Tu as des espaces de liberté en dehors des règles, enfin, ou à l'intérieur, quoi. Mais il faut pas, enfin, je dirais pas qu'il n'y a pas de liberté en fait dans un jeu forgé. Mais comment dire, c'est une liberté très cadrée, c'est-à-dire que grosso modo, tu as des éventails de comportements, de choix qui sont proposés, qui sont signifiants, parce qu'ils sont régulés. Et ce qui n'est pas régulé, c'est plus ou moins du RPG net, en fait. C'est une vision. Je sais pas si elle sera partagée par tous les joueurs de PBTA, mais. Bah, tu peux faire, dans un PBTA, en vrai, tu peux faire 3 heures de RPG net sans lancer les dés. Mais en fait, on va considérer que tu n'as pas vraiment produit une scène, quoi. Tu n'as pas édité la fiction de façon massive, quoi. Parce que vous avez surtout discuté sans faire progresser, sans remettre en cause le statu quo, en fait. Cette notion de statu quo qui est assez importante dans Apocalypse World. Et voilà, si tu veux faire bouger le statu quo, il faut consulter les règles, quoi. Ok, on peut aborder rapidement les outils de sécurité émotionnelle, ça nous semble intéressant et je pense qu'ils font partie du système, ce qu'on appelle le système d'intégration, comme on le déployait tout à l'heure. On pense qu'il y a des choses qui se mettent en place en fait, au niveau du setting de partie, qu'on pourrait plutôt inclure dans le système, le contrat ludique, quoi, c'est-à-dire les lignes et les voiles, notamment ce qu'on cadre en début de partie sur ce qu'on aborde ou pas et la manière dont on l'aborde. Et puis, Ouais, les phares aussi, ouais. et ce qu'on va trouver après, plutôt qui agit en cours de partie, ça va être la X-Card, qui permet de skipper une scène. Et puis, un outil qui est un peu moins connu, mais qui est intéressant, c'est le Script Change RPG Toolbox, qui est, tu connais sûrement, toi, on pourra Oui, mettre oui. le lien. Et donc, qui permet en fait un éventail d'outils type pause, retour arrière, accélération, etc. Et donc qui va permettre de moduler un peu la narration. Bah, surtout que le script change, De mémoire, c'est pas. Ça peut être utilisé comme un outil de sécurité émotionnelle, mais c'est pas Ça uniquement s'y ça, limite en fait. pas, ouais. Ça s'y limite pas, mais ça peut être utilisé pour ça. C'est un outil de gestion du rythme aussi, de gestion du temps de parole, le fameux truc de allez, cette scène-là, on la met en avance rapide, par exemple. C'est pas forcément pour des raisons de sécurité émotionnelle. C'est vrai, ça peut être utilisé pour, mais ça s'y limite pas, ouais, je suis d'accord. Et il y a notamment des effets de frame by frame où tu peux vraiment mettre l'accent sur une scène. Donc c'est un outil qui est intéressant. Ouais. Y a un outil qui ressemble un peu à ça s'appelle la carte son. La carte son, en fait, si tu appuies sur la carte son, c'est une carte où il est dessiné un haut-parleur, c'est pour signaler que la personne qui est en train de parler parle trop, en fait. Enfin, tu vois, ça fait que là, arrête de parler, laisse-nous la parole. Alors, on peut se dire, bah, ça, c'est juste un truc de régulation sociale, mais forcément, ça régule la fiction, parce que généralement, la parole des joueurs, c'est une parole qui édite la fiction, quoi. Et donc, si je te dis, généralement, c'est à moi qu'on va le faire, hein, c'est moi qui parle toujours le plus dans les parties. Si vous me faites aller Thomas, carte son, bah, du coup, je dois arrêter d'éditer la fiction pour vous laisser la parole. Donc, ça a forcément un impact sur la fameuse fiction. Et il y a un autre outil qui était comme ça, mais j'ai oublié. Bon, bref. Ouais, je suis d'accord avec ces outils-là qui sont hyper intéressants. Et puis on pense qu'il y a, et c'est là notamment on va discuter sur résolution ou pas, on pense qu'il y a un système de cohérence fonctionnelle. Juste, ça me revient. Avant qu'on change de sujet, tu as des signes gestuels. Et par exemple, il y a un signe gestuel, c'est si je tourne les doigts, ça veut dire. T'es hors sujet, tu vois, on change de sujet, hein, grosso modo. Donc ça va éditer la fiction, enfin, ça a d'autres intérêts sociaux notamment, hein, parce que si t'es en train de faire une blague de Kaamelott, je peux aussi te faire un hors sujet, quoi. Je peux faire un signe hors sujet. Et tu peux faire aussi, il y a le signe cabotinage ou gonzo, c'est-à-dire tu fais la nique avec ta main sur le nez. Et ça, c'est pour dire. Bon bah là, Thibaut et Guillaume, là votre éditage de la fiction, ça devient un peu du grand guignol, du n'importe quoi. Donc calmez-vous quoi. Les crapauds gé géants qui jettent des lasers par les yeux, c'est pas possible quoi. Et en effet, tu as plein de trucs aussi qui peuvent être issus du théâtre d'impro, qui sont souvent utilisés en Ouais. arbitrage, qui peuvent être transposés, ouais, tout à fait. Si tu veux, on peut parler de nous, ce qu'on appelle la cohérence fictionnelle, sur en fait, l'adéquation entre les propositions des joueuses et les lois de l'univers, la logique qui découle des actions. Et on pense en fait qu'elle Ouais. opère à différents niveaux, qu'il y a des aspects de macro-fiction sur vraiment les lois physiques, les règles sociales, et des aspects de micro-fiction qui vont plutôt concerner la situation immédiate. Et on peut distinguer l'univers, qui va être vraiment la couche supérieure, le cadre de la campagne, qui va être du temps plutôt long, du scénario, qui va être le moyen terme, et les scènes de la partie, qui vont être un temps court, jusqu'à vraiment arriver sur l'instantané. Enfin, c'est un peu l'idée d'éphéméra là, dans la sémantique forgienne. Et pour donner un exemple, on pourrait prendre l'univers de Warhammer où on dit il y a des slans qui existent dans l'univers de Warhammer, mais dans l'Empire on n'y trouve pas, donc là on restreint le cadre. Il y a des Skaven qui sont dans l'Empire, mais globalement on n'a pas connaissance de transformation en Skaven, donc ça paraît a priori impossible, mais on pourrait imaginer une situation fictionnelle où il y a un sortilège particulier ou une maladie qui fait une mutation en Skaven. Tout ça pour dire que en fait les règles elles vont quand même évoluer en fonction du cadre où on se situe et la partie elle-même peut remettre en cause des lois qui semblaient établies au niveau de l'univers. Et donc ça va déterminer en fait si les propositions elles sont valables ou pas en fonction de ce qui s'est passé avant. Donc on peut construire la Ouais. validité d'une proposition. Bah, ça me fait penser, il y a un peu cette notion qui est défendue notamment par Jérôme Larrey, que grosso modo, évidemment, il n'est pas seul, hein, mais que l'univers, ce sont des règles en soi, hein, je pense que c'est à peu près ça. Et du coup, moi, j'ai l'impression, si tu veux, des fois où il y a des lois de l'univers, surtout si elles sont à un niveau assez micro. Il y a des lois d'univers qui vont. Alors, je ne saurais pas dire si elles se substituent au système de résolution ou si en fait d'un coup elles en font partie. Je vais prendre un exemple dans Milvaux. Si tu tues quelqu'un, tu reçois un choc mental. Bon, autre exemple, si tu. Si tu ne fais, si quelqu'un meurt et que tu ne lui fais pas les rites funéraires, il devient un mort-vivant. Et tout dernier exemple, et après j'arrête, où là, la confusion avec le système de résolution est clairement entretenue, c'est dans In Forensia Minima, qui est un jeu Milvaux précis, où en fait la seule mécanique, c'est si tu veux faire quelque chose d'important dans ta quête, tu dois en payer le prix. Il va y avoir un prix karmique à payer, quoi. Par exemple, si je veux tuer si je veux tuer mon ennemi, eh bien je peux y arriver à condition que, par exemple, je sois blessé et presque à l'agonie, quoi. Oui. Je sais pas si vous avez un commentaire là-dessus sur ces lois de l'univers qui arrivent à un stade à suffisamment micro pour qu'on se demande si c'est pas le système de résolution. Bah, je pense qu'il y a des choses où on est un peu entre les deux finalement parce que tu vas avoir des effets tu vas avoir pareil des effets en amont et en aval en fait savoir avoir connaissance des conséquences de tes actes ça va quand même cadrer les propositions avant que tu vas faire et puis bah si tu vas jusqu'au bout en fait tu as les conséquences de ce que tu as fait donc moi je pense que les lois de l'univers elles sont un peu distinctes de la résolution dans la mesure où en fait elles sont préexistantes à l'action et donc elles vont exercer un effet de cadrage. Et par contre, en fait, si tu vas à l'encontre, ben on te les rappelle, en fait, on te les oppose. C'est des règles dans le sens où elles sont opposables en fait à l'action de quelqu'un. Ouais, et puis pour le coup, j'empiète peut-être sur un truc à dire plus tard, mais pour le coup, dans Inforenza Minima, il n'y a pas de système de résolution au sens classique, consensuel du terme. À aucun moment on va lancer les dés pour jouer la volonté du personnage contre le monde. C'est vraiment uniquement cette loi karmique, cette loi du destin, cette loi de l'univers, quoi. C'est une loi métaphysique de l'univers qui en tient lieu, quoi. Bah, nous, on pense que c'est une forme de système de résolution, mais qui en effet va Ah ouais. au-delà du DFK, qui est considéré comme l'alpha et l'oméga de la résolution, quoi. On pense qu'il y a eu des innovations depuis Everway, quoi. Alors, est-ce que vous avez d'autres systèmes à évoquer ou est-ce qu'on parle justement de ce fameux DFK là qu'on a un peu Bon. évoqué sans définir? Je pense qu'on peut aller on peut aller vers ça ouais. On peut aller vers ça et Ouais. présenter un peu les principaux systèmes de résolution et nous ce qu'on entrevoit comme nouveau système ou en tout cas comme une chose qu'on a identifiée dans des jeux et qui peuvent devenir des principes de résolution. Ça te Ouais, c'est ça. Alors juste pour transiter, il y a pas mal d'autres systèmes qu'on n'a pas abordés. Hein. C'est juste pour dire qu'on n'a pas essayé d'être exhaustif. On aurait pu parler, on a évoqué vite fait, mais des points d'expérience, de Ouais, la création de d'expérience, quoi. personnages, par exemple, pour citer un truc qui était cité par La Forge. Mais bon, il y en a plein plein d'autres qu'on n'a pas évoqués. Mais voilà, c'était juste pour se rappeler qu'il y avait plein de choses en dehors du système de résolution. Plein de sections qui étaient finalement, qui pouvaient être assez signifiante parce que en fait quand on lit l'article système de Zmater, bon après voilà il faut pas le prendre comme un gospel hein, du tout, mais tu as l'impression et je pense qu'il y a beaucoup de game design qui ont essayé de faire ça, moi le premier, Inforenza Minima sont totalement dans cette philosophie là, que en fait ce qui fait l'ADN d'un jeu c'est son système de résolution, c'est là-dessus qu'il faut concentrer ses efforts de design, c'est vraiment le truc qui produit un effet, qui produit l'expérience recherchée. Et les autres sous-systèmes, bah, limite, moins il y en a, mieux c'est, quoi. Et en fait, bon, je pense que le fait d'avoir énuméré les sous-systèmes, c'est aussi une façon de rappeler que c'est un peu faux, quoi, cette conception. Enfin, on peut très bien avoir des systèmes où le système de résolution n'est pas la chose la plus importante, la plus signifiante en introduction de l'expérience, ou en tout cas, ça peut être en synergie avec d'autres sous-systèmes, hein, parce qu'on avait parlé de vide fertile, où le système de résolution, c'est juste un engrenage dans une machine. Ouais, je pense que c'est important de rappeler ça, de montrer que les systèmes, ils sont connectés les uns aux autres, ils peuvent avoir des influences les uns sur les autres. Mais en effet, on n'a pas été exhaustif sur tous les systèmes qui existent.